Bonjour et bon réveil, nous sommes le mardi 8 octobre, il se passionne pour des domaines aussi divers que l'entreprise, les retraites, la pensée économique, l'islam ou l'hypnose. Jean-Jacques Walter est notre grand témoin ce matin. Bonjour Jean-Jacques Walter. Bonjour. Il y a beaucoup de sujets que j'aimerais aborder avec vous ce matin, puis alors des sujets qui ne sont pas forcément connus nécessairement du grand public. Parce qu'il y avait une chose que j'ignorais de vous, c'est que vous êtes spécialiste par exemple des questions d'hypnose, vous avez un diplôme pour cela, on va le voir dans votre portrait, quoique je ne sais même pas si Marion Duchesne aborde la question. On parlera de l'islam vu sous l'angle de l'hypnose et de votre expérience que vous avez de ces questions-là, parce que vous achevez en ce moment, outre cette question, un doctorat en islamologie et vous avez des choses à nous apprendre de ce que vous avez pu, vous le scientifique, apprendre de ce point de vue-là. Et puis il y a un prétexte d'actualité, c'est le débat sur les retraites, parce que les députés ont entamé hier l'examen de la première réforme des retraites de la gauche par des passes d'armes sur la portée du texte avant de s'attaquer, donc c'est aujourd'hui, à l'allongement de la durée de cotisation qui est le point central de la réforme, une réforme vivement critiquée par la droite et par le front de gauche, et vous connaissez bien ce sujet-là, mieux que les autres, ou pourquoi vous y êtes-vous intéressé particulièrement, Jean-Jacques Walter, aux retraites? Parce que j'avais des amis à Sauvegarde Retraite qui m'ont demandé d'étudier la question en profondeur et de leur écrire un livre sur la question. Et pourquoi à vous? Pourquoi vous l'ont-ils demandé? Parce que j'ai écrit une dizaine de bouquins et parce qu'ils pensaient que je pouvais étudier cette question. Oui, mais alors attendez, j'ai regardé vos bouquins, c'est Dieu au futur, les textes interdits, le concours d'attaché territorial, aucun rapport avec les retraites, non? Les textes interdits et le concours, c'est un autre Jean-Jacques Walter. Ah pardon, je me suis trompé alors. Bon, mais ça fait partie des livres que vous avez écrits, donc que vous auriez pu écrire. Non, pas cela. Les machines totalitaires. Les machines totalitaires, c'est une analyse des socialismes totaux. Mais rien à voir avec les retraites en soi. D'une certaine mesure, si, parce que ces régimes totalement socialistes sont extrêmement démagogues. C'est comme ça qu'ils s'établissent. Ouais. Et l'attitude sur les retraites est extrêmement démagogue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'indiffère à long terme et on regarde uniquement le court terme. Et c'est une attitude qui est assez générale dans les systèmes du socialisme total. Le fait de regarder uniquement le court terme? Oui, tout à fait. Alors expliquez-nous aujourd'hui quelle serait la bonne méthode pour que cette question soit sereinement abordée. Alors d'abord, il faut partir des faits. Quand on a mis la retraite à 60 ans, il y a 30 ans, on vivait environ 70 ans, c'est-à-dire qu'il y avait 10 ans de retraite. Maintenant, on vit près de 80, il y a donc 20 ans de retraite. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Oui, mais alors il y a les conséquences, ou on divise la retraite par deux, ou on double les cotisations. Si on double les cotisations, si on les augmente, parce qu'on fait un mélange des deux, on augmente le chômage. Il y a des tas d'affaires qui seraient rentables à certains taux d'impôts et qui ne sont plus rentables avec trop d'impôts. Et donc, l'allongement... Lesquelles ne sont pas rentables avec trop d'impôts? Il y a des petites entreprises, il y a des moyennes, il y a certaines très grosses, toutes celles qui sont à la limite de rentabilité, on augmente un peu les impôts, elles ne le sont plus. Donc, ou bien elles ferment, ou bien elles délocalisent. Il faut allonger la durée de retraite, c'est évident. On a la retraite la plus courte d'Europe actuellement. Il y a des gens qui vont jusqu'à 67 ans, des pays. La meilleure solution, je crois, c'est la solution suédoise. La solution suédoise, ça consiste à dire, chacun a son problème particulier. Quelqu'un qui a commencé à 20 ans a envie de prendre une retraite à 60 ans. Mais quelqu'un qui a commencé à travailler à 27 ans, qui s'est marié à 40 et qui a encore des enfants en bas âge à 60, il a envie de continuer. Et on ne peut pas faire une loi qui soit valable pour 60 millions de personnes. Donc ils disent, chacun prend sa retraite quand il veut, à l'âge qu'il choisit. Et sa retraite est proportionnelle, d'une part au nombre d'années qui lui reste à vivre, statistiquement, et d'autre part au nombre d'années où il a travaillé. Et il y a un site sur lequel il peut mettre son nom, qui le raccorde avec un ordinateur central, et qui lui dit, si vous prenez votre retraite maintenant, votre retraite est temps, si vous la prenez dans 3 ans, elle est de temps, etc. Ça, c'est impossible en France aujourd'hui. C'est un choix qui est offert à chacun, et chacun fait ce qu'il veut. C'est en Suède. C'est en Suède que ça se passe, c'est-à-dire je peux aller sur un site internet, voir ce que j'aurai comme retraite si je m'arrête maintenant. En France, pour le calcul de ses propres points, c'est très compliqué. Le site, c'était aussi compliqué en Suède. Mm-hmm. C'est le gouvernement qui a fait un site avec tout ce qu'il faut derrière, comme moyen de calcul, pour permettre de savoir et que les gens prennent en connaissance de cause leurs décisions. Le résultat du choix libre des Suédois, c'est 67 ans. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pour résoudre le problème en France. Je crois que ce qu'il faut, c'est la liberté. La liberté de choisir comme les Suédois. Et être libre, ça veut dire on paye les conséquences de sa liberté. Celui qui prend la retraite à 70 ans, il a une retraite 6 fois plus grande que celui qui la reprend à 50. Aucun homme politique aujourd'hui ne suggère ce type de solution? Non, mais c'est dommage parce qu'elle a été maintenant expérimentée depuis plus de 10 ans en Suède et qu'elle marche très bien. Pourquoi une telle réserve par rapport à ce choix qui paraît somme toute assez logique, hein, bien que je ne sois pas un expert du sujet? D'abord parce que c'est difficile à mettre en œuvre. Le site de calcul qui permet de calculer pour chacun, ça demande une énorme banque de données et beaucoup de travail. Et puis parce qu'il y a un changement d'habitude important. Et les politiques françaises sont ultra conservateurs. Les socialistes à droite, à gauche, jusqu'à l'extrême gauche, ils veulent que rien ne change jamais. Et ça, c'est un changement important. Est-ce que le débat entre fonctionnaires, non fonctionnaires, est un vrai débat? Bien sûr que c'est un vrai débat. Actuellement, les fonctionnaires reçoivent 60 milliards par an à titre de retraite, dont ils payent 15. Il y en a 45 qui sont pris sur les retraites des non fonctionnaires. Il y a en plus les régimes spéciaux, c'est-à-dire EDF, les mines, etc., où là, il y a environ triplé par un prélèvement sur les non-fonctionnaires. C'est totalement aberrant. Mais vous êtes ingénieur des mines, Jean-Jacques Walter. Oui, mais c'est pas pour ça que je vais défendre ça. Donc vous avez une retraite qui est triplée par rapport... Alors moi, j'ai jamais fait confiance à l'État, donc j'ai toujours souscrit au minimum et j'ai donc une petite retraite. D'accord. Mais vous connaissez le système, ça fonctionne comme ça. Une retraite de fonctionnaire, c'est 40% de plus qu'une retraite de non-fonctionnaire, en moyenne statistique sur la France. Et un salaire de fonctionnaire, aujourd'hui, c'est 15% de plus que la moyenne des non-fonctionnaires. Oui, mais alors les hommes politiques disent non. Hein. Ces chiffres-là qui sont ceux de l'INSEE, je crois. Oui, c'est ceux de l'INSEE. Jean-Jacques Walter, je les ai énoncés devant Marisol Touraine, je crois, oui. Et d'autres personnalités politiques qui m'ont dit non. Les fonctionnaires, en fait, ont les mêmes retraites que les autres. C'est le discours qu'on entend ce matin, hein, si vous écoutez la radio. Ailleurs alors, que chez quand ils disent les mêmes retraites, ça veut dire qu'avec des bases de calcul différentes, on applique ensuite les mêmes coefficients. Par exemple, on prend pour la fonction publique les dernières années seulement, 3 ou 4 dernières années, puis on fait un multiplicateur. Dans le privé, on prend toutes les années. Donc, comme au début, on a des salaires plus faibles qu'à la fin de sa vie, à cause de l'augmentation du niveau de vie, et parce qu'au début, on est moins payé qu'à la fin, ben, ça fait une grosse différence. Mais Marisol Touraine vous dit que c'est la même chose, puisqu'on a le même multiplicateur. Évidemment, mais on ne multiplie pas la même chose. Donc, la similitude, c'est uniquement le multiplicateur. Ce n'est pas ce qui est multiplié. Évidemment. Et c'est pour ça que ce qui coûte si cher aux Français en retraite, c'est les fonctionnaires. Il y a une 60aine de milliards qui sont prélevés sur les non-fonctionnaires pour subventionner les retraites des fonctionnaires. C'est aberrant. Alors vous dites les régimes spéciaux, il y a une forme d'injustice dans les régimes spéciaux. Pourquoi? Vous avez 36 formes d'injustice qui se cumulent. Par exemple, une des plus frappantes à EDF, c'est que les gens prennent leur retraite non pas à 60 ans, mais à 57, et de 57 à 60, ils sont des actifs dispensés d'activité, ce qui est assez curieux. En fait, ils touchent leur plein salaire sans rien faire. C'est de la retraite. C'est de la retraite à taux plein. Bon, mais il y en a 36 autres formes d'injustice. De la retraite déguisée, donc. Absolument. Les actifs dispensés d'activité, c'est quand même une curieuse formule. Bon, il y a plein de choses comme ça. Et le résultat, c'est qu'ils contribuent à l'ensemble des caisses pour 5 milliards chaque année, mais ils reçoivent 15. Il y en a 10 qui sont prélevés sur les autres retraités. C'est une aberration. L'injustice fondamentale, ça consiste en fait à appliquer un coefficient différent quand vous appartenez à un régime spécial, qui fait que vous allez prendre davantage à certains pour donner un peu plus à d'autres. Alors, il y a cette injustice-là. Mais ça, c'est la répartition, en soi. Oui, mais la répartition, elle est falsifiée par des changements de coefficients suivant les catégories. Et ces changements de coefficients font que les régimes spéciaux, qui ne sont pas des fonctionnaires au sens propre, c'est EDF, c'est SNCF, etc., et les retraites des fonctionnaires au sens propre, sont beaucoup plus élevées que ce qui contribue. C'est une aberration, c'est pas légitime. Alors, est-ce que vous seriez favorable à l'idée d'instaurer une égalité parfaite? Mais je ne sais pas si vous défendez le principe d'égalité. Mais... Égalité parfaite, ça veut dire qu'on a les mêmes modes de calcul pour tout le monde. Il n'y a pas d'actifs dispensés d'activité, il n'y a pas de coefficients qui s'appliquent à des bases différentes, etc. Bien sûr qu'il faudrait avoir un seul processus de calcul pour tout le monde. Et les régimes spéciaux n'avaient pas, si on fait un petit peu d'histoire, une légitimité par rapport au travail qui était mené? C'était une forme de progrès social instauré par l'État-providence? Non, c'était une forme de prélèvement dissimulé. Alors, il y a un cas, celui des mines, où il y a maintenant beaucoup moins de mineurs qu'il n'y en avait dans le temps, alors qu'il y a beaucoup de retraités. Donc c'était légitime que l'ensemble de la nation contribue. Mais ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres régimes. Donc c'était la pénibilité du travail qui justifiait le régime spécial. Pas tout à fait. Le fait qu'il y avait beaucoup de mineurs à une époque, donc beaucoup de retraités, puis on a fermé les mines parce qu'elles étaient ruineuses pour la nation, donc il y a beaucoup moins de travailleurs mineurs qu'il n'y a de retraités mineurs. Donc la proportion n'était plus satisfaisante, n'était plus possible. C'est une question de proportion. Une question de proportion. Pas une question de pénibilité. Donc qu'est-ce qui fonde un régime spécial en soi ? Le fait que ça donne un privilège à des gens qui ont les moyens d'exiger un privilège, par exemple les EDF en se mettant en grève ou les SNCF en se mettant en grève, etc. Fondamentalement, le régime spécial rémunère la capacité de nuisance. Ça ne rémunère ni le travail ni la pénibilité. Mais ça, c'est une vision, Jean-Jacques Walter, qui est quand même extrêmement... Enfin, qui est libéral, et vous l'assumez tout à fait. Oui. Il y a simplement un discours qui est peut-être un petit peu pernicieux derrière celui-ci, qui consiste en fait toujours à s'aligner sur le moins disant. Au nom de la liberté, on va s'aligner sur ce qui procure le moins d'avantages. Donc les gens ont le sentiment qu'on va finalement, à l'arrivée, les déclasser. Ben, c'est vrai pour certains, parce que si les fonctionnaires avaient une retraite proportionnelle au service qu'ils ont rendu à la nation, il faudrait ramener de 140 à 100. Bien entendu. Mais l'égalité, ça veut dire la suppression des privilèges. Et il y a des privilèges aberrants dans la fonction publique dans son ensemble et dans les régimes spéciaux. C'est une des raisons qui coûte très cher aux autres retraités. Et c'est pour ça que les retraités, les travailleurs agricoles, ont des retraites misérables, qui sont une fraction du SMIC. Pourquoi ? Parce que quand on a pris de l'argent dans la caisse, il n'en reste plus. Il y a des privilèges chez les hauts fonctionnaires, essentiellement. Beaucoup. Non, chez tous les fonctionnaires. C'est la moyenne des retraites des fonctionnaires qui sont 40% supérieures à la moyenne des retraites des non-fonctionnaires. Tout fonctionnaire confondu. La solution, c'est le discours qu'on entend, moins de fonctionnaires tout simplement. Mais les Français semblent aspirer aussi à des fonctionnaires de police, à des fonctionnaires qui rendent des services. Bien sûr. Alors, il y a une justice qui va plus vite. Oui, il y a les fonctionnaires qui rendent service. Par exemple, la police, effectivement. Et puis, il y a ceux qui ne rendent pas service. Les frais d'administration de la nation française, chaque année, c'est 13% du PNB. Et les frais d'administration de la nation allemande, chaque année, c'est 7,5%. Pourquoi ? Parce que nous sommes mal administrés. Il y a des tas de fonctionnaires en trop dans les finances, par exemple. Le lever des impôts, ça coûte 1,5% du montant des impôts en France et 0,3% aux États-Unis. Une des raisons, c'est qu'on a 4000 lois. Parce que pour prendre plus d'impôts, on fait des tas de petites rondelles de saucissons, on coupe l'ensemble en toutes petites rondelles, et chaque rondelle, il y a peu de protestataires parce que c'est sur un petit nombre. Puis on recommence. Bon, et pour administrer 4000 lois, il faut beaucoup de gens. Ça, c'est une technique très efficace, la technique de la rondelle. C'est une technique. Pour désarmer l'opposition. Oui. Seulement le résultat, c'est qu'on a le plus haut taux d'imposition du monde à deux ou trois pays près, sur les 250 pays qui sont répertoriés à les Nations Unies. Et le résultat, c'est que les Français quittent la France. Il y a 51% des élèves d'HEC qui terminent leur éducation cette année, qui partent de France. On remplit la France de gens qui viennent de pays sous-développés, qui sont malheureusement sous-éduqués, et on la vide de ses ingénieurs, de ses commerciaux, de ses managers, à cause d'un taux d'impôt gigantesque. Et ce taux d'impôt, il y a 58% du PNB qui est appréhendé par l'État aujourd'hui. Ça, ce mouvement, ce que vous dites là, l'équation, ce n'est pas démagogique comme équation. Mais c'est une constatation. La constatation n'est pas démagogique, elle est factuelle. Il n'y a pas de lien entre les deux, entre les ingénieurs qui partent et les migrants qui arrivent. Non, mais il y a un lien entre le fait qu'on a un taux d'impôt tel que... Enfin, il y a quand même un lien. Ce taux d'impôt permet de financer des tas de prestations sociales dont les migrants sont friands. C'est pour ça qu'ils viennent. Et c'est financé par des tas d'impôts. Pas tous, souvent ils ne le savent pas. Pas tous, mais quelques-uns. Et quand il y en a un d'une famille qui est venu, il le sait. Et le reste de la famille qui arrive au titre du regroupement familial, elle sait ce qu'elle attend. Donc, ça joue quand même. Et puis, ces prestations sociales très élevées sont financées par des impôts très élevés. Et les ingénieurs, les managers, etc., ils n'ont plus envie de les payer, ils s'en vont. La France perd sa matière grise à cause de ça. Donc, il y a une spirale dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Qui n'est pas prêt de s'arrêter ? Non. Aujourd'hui ? Non. Jean-Jacques Walter, sans vouloir désespérer... Il faudrait faire des réformes. Il faudrait faire ce qu'a fait Schröder en Allemagne, ou ce qu'a fait Thatcher en Angleterre. La première mesure de cette réforme, ça serait ? Alors, il faudrait changer le système fiscal, et pour ça, commencer par changer les dépenses. Parce qu'on ne peut pas à la fois conserver un déficit monstrueux et des impôts tout aussi monstrueux. Donc, pour baisser à la fois le déficit et les impôts, il faut baisser les dépenses. Quand on voit qu'on a 13,5%, 13% pardon, du... du PNB qui est dépensé pour administrer la France et qu'on pourrait le faire comme les Allemands à 7,5, on se dit qu'il y a un très grand nombre de fonctionnaires en trop. Pas des milliers, pas des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Les Suisses, dans un canton, ont supprimé le statut des fonctionnaires pour pouvoir licencier ceux qui étaient en trop par référendum. C'est ça qu'il faudrait. Mais la Suisse est un pays démocratique. Oui, c'est un pays démocratique, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la France, c'est peut-être l'un des derniers pays démocratiques d'Europe, à bien des égards. C'est bien possible. En tout cas, les référendums... Je ne parle pas du blanchiment d'argent, hein. Je parle oui, du fonctionnement des institutions. Oui, je parle de référendums partout. Et des nombres de cas, de circonstances où on peut faire un référendum. Je pense que l'ensemble des Français, par référendum, seraient tout à fait disposés à réduire les privilèges abusifs, à simplifier des structures trop coûteuses... Est-ce qu'il n'y a pas un artefact, dernier point là-dessus, Jean-Jacques Valter, sur la question justement des fonctionnaires, parce que l'éducation nationale étant un service public, forcément vous avez mécaniquement 1 million de fonctionnaires en plus, qui correspondent aux 800 000 profs à peu près. Et puis, Plus 400 000 qui ne sont pas profs, oui. On se demande ce qu'ils font. Donc, mécaniquement, on a plus de fonctionnaires que d'autres qui privatisent ce type de service. Non, parce qu'il faudrait prendre la proportion. On dépense la plus haute quantité en Europe, 6,2%. Personne ne dépense autant pour son éducation nationale. Et on a la plus mauvaise d'Europe. Bon, il y a une discordance massive entre la qualité de l'enseignement et le prix qu'elle coûte à la France. Il faudrait réparer ça. Allez, Jean-Jacques Valter, les retraites, c'était notre première thématique, Jean-Jacques Valter. On va passer ensuite à l'islam et aux questions que vous étudiez tout particulièrement, puisque vous terminez actuellement votre doctorat en islamologie. Le 6 décembre prochain, vous présenterez votre thèse, une thèse sur l'analyse des données textuelles appliquées au Coran, une thèse qui démontre un certain nombre de choses dont vous allez nous parler liées aux écritures de l'islam. On le savait déjà, certaines parties viennent de l'araméen, il y a plusieurs auteurs, votre méthode permet de démontrer qu'il a été écrit sur 2 siècles. Marion Duchesne retrace votre portrait, il y aura les infos ensuite, puis je vous ferai parler du rapport, évidemment de ce que vous avez écrit sur l'islam, mais du rapport entre islam et hypnose. Donc là, surprise garantie. Votre portrait, Marion Duchesne. Le Coran, c'est une histoire longue, complexe et politique. On a même détruit des preuves pour créer une légendologie, souligne Jean-Jacques Valter. L'islam, il a commencé à s'y intéresser dans les années 80. À l'époque, il est ingénieur et dirige sa propre société, une entreprise de presse consacrée à la musique. Car l'ancien élève de l'école des mines est un libéral dans l'âme. Les libéraux sont les créateurs de richesses, répète-t-il. C'est sans doute ce goût pour la liberté qui a poussé Jean-Jacques Valter à se pencher sur les machines totalitaires. 2 années de travail et la publication d'un livre paru chez De Noël en 1982. Je voulais comprendre comment se développent les totalitarismes, des machines qui détruisent tous les aspects de la personnalité, de l'intelligence à l'affectivité. Pour Jean-Jacques Valter, il s'agit encore et toujours de plonger dans les racines de l'histoire, une histoire dont à ses yeux le Christ et l'Esprit Saint sont les pilotes. Né en 1932 dans une famille agnostique, Jean-Jacques Valter s'est en effet converti au catholicisme à l'âge de 28 ans, une foi qui depuis ne cesse d'être nourrie par l'oraison. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, et sans doute la parole qui trouve le plus d'écho en moi, dit-il. Au début des années 2000, Jean-Jacques Valter dit avoir gagné beaucoup d'argent en redressant des sociétés. « J'ai pris trop de risques », reconnaît-il, et en 2008, avec la crise, je me suis retrouvé tout nu. Depuis pourtant, Jean-Jacques Valter a fondé sa propre société de technologie. « Le pire risque dans la vie », conclut-il, « c'est de ne jamais en prendre aucun ». Jean-Jacques Valter, on a parlé donc des retraites, d'économie, votre vision des choses concernant l'islam. Au départ, je vous avais attribué des ouvrages que vous n'avez pas écrits, mais ça se justifie pleinement si on en juge par les connaissances et les domaines que vous étudiez, en fait, parce que vous êtes extrêmement éclectique, Jean-Jacques Valter. Je suis curieux, j'essaie de comprendre. Et certains problèmes ont plusieurs aspects, il faut regarder plusieurs choses différentes. Alors, l'hypnose, on en parlera après 8 heures, mais on va faire un lien d'abord. D'abord, vous êtes dit... Je vais étudier l'islam en profondeur. Pourquoi ? Parce que les machines totalitaires, il y en a eu... Ah mais déjà, vous nous dites que c'est totalitaire, ça ne va pas. Oui, mais bon. Quand j'ai étudié les machines totalitaires, j'ai vu un certain nombre de structures. La Chine, que vous avez bien étudiée en particulier. La Chine, le national-socialisme, le socialisme soviétique et beaucoup d'autres systèmes dans le passé. Et l'islam contient une bonne partie de ces structures totalitaires. Et puis les machines à détruire très anciennes, je les ai étudiées aussi, il y a plus de 5000 ans, c'était des religions particulières qui étaient organisées sur un système destructeur. L'islam, c'est à la fois... Lesquels ? Les cultes au Baal, par exemple, mais il y en avait beaucoup d'autres. Et l'islam, c'est à la fois un destructeur fondé sur une religion, sur une structure qui était celle qui était dominante comme destructeur il y a 5000 ans, et sur une structure sociale. Pour les musulmans, pour les théologiens musulmans, l'islam, c'est din, dunya, daoula, c'est-à-dire une religion, une société, un État. Ce n'est pas une religion au sens où le christianisme ou le judaïsme sont des religions qui ne sont que des religions. C'est aussi une société et un État. Et la société islamique et l'État islamique, tels qu'ils ressortent du Coran, sont des systèmes totalitaires. Mais alors, Jean-Jacques Walter, avant d'entrer dans cet aspect qui est quand même assez polémique, qui ne sera pas forcément le cœur de notre propos tout à l'heure, vous faites un doctorat en islamologie à l'Université de Toulouse. Vous dites que c'est difficile aujourd'hui d'étudier l'islam en France. Oui, alors... Déjà en préalable. En effet, quand vous étudiez l'islam, vous pouvez dire que c'est pas bien de couper la main des voleurs ou de lapider les femmes adultères, mais à condition de commencer par dire que Mahomet est un grand prophète, le Coran a des grands livres sacrés de l'humanité, etc. Si vous ne dites pas ça, vous êtes traité d'islamophobe, de nazi, de raciste, de tas de choses. Je n'ai pas pu trouver une université à Paris qui accepte un sujet qui consistait à contester l'histoire de l'islam telle qu'elle est racontée. J'ai fini par en trouver une à Bordeaux. Enfin, simplement l'examen critique, scientifique, c'est tout. Oui, mais un examen critique dont on voit bien où il débouche. À Bordeaux, j'avais un directeur d'école doctorale qui a accepté ce thème, qui est mort d'un cancer l'année dernière, et j'ai été viré de l'université de Bordeaux. D'après ce qui m'a été dit par des professeurs qui ont fait une enquête, ce serait Juppé, qui étant très ami avec l'imam de Bordeaux, a demandé au doyen de ne pas prendre de thèse qui pourrait chagriner des musulmans. On y revient, Jean-Jacques Walter, juste après 8h. Vous restez avec nous, vous êtes notre grand témoin ce matin jusqu'à 8h30. Vous habitez Paris et sa banlieue? Vous avez un peu de temps libre pour accueillir au téléphone des personnes en grand besoin d'écoute? Devenez écoutant bénévole de SOS Chrétiens à l'écoute. Formation assurée. Écrivez à SOS Chrétiens à l'écoute, 22 rue d'Arcueil, 75 014 Paris. Téléphone 01 45 35 55 56. 01 45 35 55 56. Ou sur le site internet. Un numéro qui a du cœur. Dans ma ville, mon église est là. Elle est irremplaçable. C'est un lieu de recueillement. J'y recherche le silence. Je peux y trouver la lumière. Je m'y sens bien. Pour entretenir votre paroisse, pour financer le traitement des prêtres, pour qu'elle vive et rayonne, votre paroisse a besoin de votre don. Les documents sont à disposition dans votre paroisse ou sur www.jedonneaudenier.org. L'Église, c'est vous. Le denier, c'est concret. La minute spirituelle du Père Alain Caron de la Carrière. Nous connaissons sans doute dans l'Ancien Testament le livre de Jonas. Jonas avait été choisi par Dieu pour aller parler aux habitants de Ninive, en leur disant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Quand on entend une telle parole, on peut se révolter, on peut être indifférent, mais à Ninive, ce ne fut pas du tout le cas. Ils se dirent « Si Dieu veut détruire notre ville, c'est que nous sommes pécheurs ». Et donc ils ont décidé, parce que Jonas avait parlé, Jonas qui était un prophète, il leur avait dit, il faut vous convertir. Et les habitants de Ninive se sont convertis et ils se mirent à croire en Dieu. Ils prirent des vêtements de deuil et puis tout le monde se mit à faire pénitence pour que la colère de Dieu s'arrête. Et Dieu a pardonné. C'est une grande leçon. Nous devrions avoir le courage, dans certains moments, de dire à nos frères, et à nous-mêmes d'ailleurs, convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. Et alors, nous serons comme Ninive, nous nous dirons, allez, convertissons-nous, et Dieu, eh bien, il pardonnera. C'est ce que je vous souhaite. Le grand témoin, Jean-Jacques Walter, que l'on retrouve après 8h, spécialiste de la question des retraites, on en a parlé avec Jean-Jacques Walter. Il étudie aussi en profondeur les questions liées à l'islam. Il fait une thèse en ce moment à l'université de Toulouse. Il va nous en parler parce qu'il connaît aussi bien les mécanismes de l'hypnose. Et il y a un lien entre les deux qui va vous surprendre. Islam, hypnose, c'est après 8h, c'est avec Jean-Jacques Walter. Pour l'instant, on fait un point sur la météo. c'est avec Flora Cortès. Bah oui, aujourd'hui un temps très calme, du soleil mais aussi des nuages. Il fait 12 degrés ce matin, comptez 20 pour cet après-midi. 8h, bonne matinée, les infos, Flora Cortès. Bonjour à tous, les députés ont entamé hier l'examen de la réforme des retraites, un début de discussion houleux sur la portée du texte avant de s'attaquer aujourd'hui à l'allongement de la durée de cotisation, point central de la réforme vivement critiqué par la droite et le front de gauche. La principale nouveauté de la réforme est la création d'un compte personnel de prévention de la pénibilité. Tout salarié ayant été exposé à des facteurs de pénibilité peut accumuler des points à convertir en formation, temps partiel ou départ anticipé à la retraite. Et ce lundi, les députés ont déposé des milliers d'amendements, parmi eux une proposition de validation des trimestres de stage qui pourrait être intégrée à la loi. La discussion en première lecture s'achèvera le 15 octobre par le vote de l'ensemble du texte avant d'aller au Sénat. Le gouvernement espère une adoption définitive par le Parlement avant Noël. Nicolas Sarkozy a été définitivement libéré hier de l'affaire Bettencourt en bénéficiant d'un non-lieu alors qu'il était mis en examen pour abus de faiblesse. Son ex-ministre et trésorier de campagne Éric Woerth est lui renvoyé devant le tribunal correctionnel ainsi que 9 autres personnes. L'ancien président était mis en examen depuis mars sous le soupçon d'avoir profité de la faiblesse psychique de Liliane Bettencourt pour se faire remettre de l'argent destiné à financer sa campagne électorale de 2007. À l'appui des soupçons, notamment une ou deux visites de Nicolas Sarkozy au domicile de la milliardaire, mais faute de preuves, la justice a donc décidé d'abandonner la procédure, une décision dont l'ancien chef d'État s'est réjoui sur sa page Facebook. L'équipementier en télécommunications Alcatel-Lucent, qui tente de sortir de la crise depuis plusieurs années, va annoncer aujourd'hui aux organisations syndicales de nouvelles coupes claires dans les effectifs. Après une éclaircie en 2011, le groupe est en effet retombé dans le rouge l'an dernier, accusant une perte nette de 1,3 milliard d'euros. Selon des chiffres dévoilés hier par le Figaro et les Échos, Alcatel-Lucent compte supprimer 15 000 postes dans le monde, dont 900 en France. Les sites de Toulouse et de Rennes devraient tout simplement faire mais l'entreprise annonce également 5000 créations de postes auxquelles les personnes qui auront été licenciées pourront postuler dans le cadre de la mobilité interne. Le tribunal administratif de Pontoise a donné raison aux parents d'Amélie, une jeune femme de 19 ans handicapée mentale. Ils cherchaient désespérément une place depuis un an, mais se voyaient refuser toutes les structures car la jeune femme est majeure. Depuis sa majorité, elle vit chez ses parents et le manque de soins adaptés l'a isolée. Épuisée, les parents avaient attaqué en référé l'agence régionale de santé. Et ce lundi, la justice a ordonné à l'État de prendre toutes les dispositions pour qu'une place d'hébergement spécialisée soit trouvée pour Amélie. Enfin, Patrice Chéreau, l'un des maîtres de la scène européenne depuis 40 ans, est mort hier à Paris à l'âge de 68 ans. Il a été salué comme un très grand cinéaste en plus d'un grand metteur en scène de théâtre et d'opéra. Radio Notre-Dame. L'éditorial de Gérard Leclerc à 8h03 qui revient sur un papier du Monde qui compare le Vatican au Kremlin, au Kremlin soviétique. Il s'écrit, il se dit en ce moment énormément de choses sur le nouveau style de papauté qu'incarne le pape François. C'est vrai qu'il surprend ce pape venu de l'autre monde. C'est vrai qu'il a été élu en partie par les cardinaux pour mener à bien la réforme de la curie. Nul ne sait vraiment encore aujourd'hui, et le pape lui-même en premier, ce à quoi vont aboutir la remise en cause, la réflexion, la prospective qu'il a mise en route pour un renouveau de l'administration du Saint-Siège en symbiose avec les aspirations de l'Église universelle. C'est vrai qu'il y a des choses à changer dans l'Église. Cela n'autorise pas pour autant à dire n'importe quoi sur le Vatican, son fonctionnement actuel, en opérant les rapprochements les plus invraisemblables. Il me semble que dans le genre polémique, outrancier, voire carrément insupportable, la limite vient d'être largement franchie dans une chronique du Monde intitulée « La perestroïka selon le pape François ». Ma collègue Sylvie Kaufmann ne craint rien en matière d'amalgame et de comparaison douteuse. Perestroïka, vous avez bien compris, cela renvoie à la chute de l'Empire soviétique et du système totalitaire inventé par ces personnages éminemment sympathiques qu'étaient Lénine et Staline. Vous avez peut-être du mal à trouver dans les papes du XXe siècle des personnalités proches de ce type de tyran. c'est sans doute que vous êtes aveugle et sourd face à l'évidence d'une homologie des systèmes. Sylvie Kaufmann est sûre de son fait. Il n'y a rien de plus proche comme discipline de la kremlinologie que la vaticanologie. Tiens donc, mais qui peuvent bien être les Dzerzhinsky et les Beria au sein de la cité du Vatican ? Je connais un peu les Français qui, à Rome, ont été partie prenante de cette machine soi-disant soviétoïde. Mais j'ai bien du mal à imaginer un Etchegaray, un Poupard, un Torrent, à l'image de je ne sais quel séide soviétique. Et Ratzinger, vous croyez vraiment qu'il ressemblait à un tchéquiste ? J'ai gardé le souvenir d'un Jean-Paul II qui avait renversé cette puissance soviétique. Ça, c'est du réel. Ce n'est pas du fantasme à l'aune du plus méprisant des anticléricalismes. Merci Gérard Leclerc. La suite du Grand Témoin avec vous, Louis Dauphren. À 8h05, Jean-Jacques Walter, alors spécialiste de la question des retraites, on l'a abordé dans la première partie avec des suggestions inspirées notamment du modèle suédois. On pourra s'y reporter pour celles et ceux qui veulent approfondir ce sujet qui est abordé par les députés en ce moment et qui va évidemment constituer un nœud de discussion tout à fait important. L'autre casquette, si je puis dire, Jean-Jacques Walter, c'est les études que ce sont les études que vous menez en ce moment sur l'islam. Vous faites un doctorat en islamologie sous le patronage de Marie-Thérèse Urvois, qui est la directrice de votre thèse, qui est une personne tout à fait réputée en matière de connaissance de l'islam. Vous nous disiez à l'instant, chose assez incroyable, que le maire de Bordeaux était intervenu pour que les thèses qui sont faites en ce moment sur l'islam ne soient pas déplaisantes en quelque sorte, ne chagrinent pas les musulmans, donc que l'approche critique soit quelque peu nuancée. C'est ce qui m'a été dit, je ne l'ai pas vérifié directement. Ce sont des professeurs qui ont fait une enquête pour savoir pourquoi l'université de Bordeaux m'avait exclu, sans regarder la thèse d'ailleurs, ce qui ne m'a pas beaucoup gêné puisque j'étais à Toulouse aussitôt. Il semblerait qu'effectivement... À Toulouse on est plus ouvert apparemment, ça ne vaut pas que pour les avions. Bah, peut-être, oui. Bordeaux avait été choisi d'abord pour les avions. Oui, c'est Toulouse finalement qui en a hérité. Eh ben, c'est la thèse suivra les avions. La thèse en question, ça consiste à utiliser des méthodes qui ont été développées, des méthodes mathématiques, depuis une cinquantaine d'années. Au début, c'était pour décrypter des messages secrets allemands. Aujourd'hui, on l'utilise pour le cryptage et le décryptage. On l'utilise pour condenser des images en télévision, en photo, etc. C'est un traitement général des codes. Et un texte, c'est un code qui permet de remplacer une parole par un certain nombre de signes. On peut appliquer ces méthodes. Ça permet de reconnaître, on donne une page en disant de qui elle est, on peut savoir s'il est de Hugo ou s'il est de Dumas. Ça permet de dater à 10 ans près un texte d'Hugo. C'est une sorte de scanner scientifique pour dater et identifier l'origine du texte. Identifier l'auteur, dater et reconnaître si un texte a été écrit par exemple en français, ou si c'est une traduction en français par un traducteur professionnel d'un texte écrit dans une autre langue. On peut appliquer ces méthodes au Coran. La conclusion, c'est qu'il n'y a non pas un auteur... Y compris avec l'écriture arabe. Bien entendu. Ouais. C'est une question de fréquence de lettres, de couple de lettres, etc. Il n'y a pas un auteur, il y en a au moins 30, probablement plus. Il n'a pas été écrit sur 20 ans, mais sur 200 ans. Et un quart environ est une traduction de textes araméens antérieurs à l'islam. Ce qui signifie... Mais ça, c'est certifié aujourd'hui. Oui, c'est justement ce que je démontre. Ce n'est pas des idées tout à fait nouvelles, dans la mesure où tous les documents musulmans entre la mort de Mahomet et 200 ans plus tard ont disparu. Tout ce qu'on sait, c'est transmis par transmission orale sous le contrôle des califes. Donc c'est assez incertain. Et c'est d'autant plus étrange et suspect que dans la même région du monde, et sur la même période, les textes qui étaient dans une autre langue que l'arabe, les textes en grec, en latin, en géorgien, en araméen, etc., n'ont pas disparu. Donc il y a une disparition spécifique de tout ce qui racontait ce qui s'est vraiment passé dans l'islam. Et on ne sait pas pourquoi. Alors, on prétend que ce sont les aléas de la guerre, mais pourquoi est-ce que les aléas de la guerre ont porté sur les textes arabes, qui étaient beaucoup plus nombreux que sur les textes en araméen, en hébreu, en copte, etc. Pas de réponse. Pas de réponse. En fait, je pense que le Coran a été créé en 200 ans par approximation successive sous l'égide des califes pour servir d'armature à un système qui est, comme le disent les musulmans eux-mêmes, une société, un État et une religion. La religion intervient comme justification de la société et de l'État. Mais évidemment, si vous dites cela, c'est une bombe, puisque ça veut dire que ce n'est pas la parole incréée de... Bien entendu. D'Allah. Mais ça veut dire aussi que, ce qu'un certain nombre de scientifiques disent depuis maintenant 80 ans, quelquefois plus, C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la preuve. Avant, on n'avait pas la preuve. On avait des preuves qui étaient moins formelles. Le père Édouard Marie Gallet a beaucoup étudié ces questions-là. Oui. Alors, ce qu'il a fait, c'est de reprendre des textes qu'on a retrouvés justement en araméen, en géorgien, en arménien, etc., qui sont de l'époque de Mahomet et qui sont donc beaucoup plus fiables. Alors, ce sont quelquefois deux lignes, quelquefois une demi-page, perdues dans des bouquins de 200 ou 300 pages des incidentes. Mais à partir de là, on se fait un autre portrait de la naissance de l'islam. Mahomet n'était pas du tout un prophète, c'était un général. Il a fait un peu comme Lénine, c'est-à-dire qu'il s'est servi d'une idéologie existante pour motiver ses troupes. Et la motivation par l'idéologie est beaucoup plus efficace que la motivation par le butin, bien qu'elle puisse se combiner. Sa motivation, sa théologie initiale était celle d'un groupe qu'on appelle les Nazaréens, une secte judéo-chrétienne, dont on retrouve d'ailleurs beaucoup d'éléments dans l'islam d'aujourd'hui, et qui prévoyait notamment que quand ils auraient conquis Jérusalem, rebâti le temple et fait un passage au désert, le Christ arriverait du ciel, où il était mis en réserve, prendrait la direction des armées et conquerrait le monde. Ils ont fait tout ça, mais ça ne s'est pas produit. Donc il a fallu changer quelque chose, et ils ont modifié... Sauf que Mahomet est mort avant de prendre Jérusalem. Oui. Semble-t-il, hein, 632, avant la prise de Jérusalem. Alors c'est pas tout à fait sûr. C'est ce non. que disent les musulmans, mais des textes de l'époque disent qu'il n'est pas mort en 32, mais qu'il est mort en 34, après avoir pris Jérusalem, assassiné à Jérusalem par des musulmans, par des judéo-nazaréens, des juifs. Des juifs, oui. Pas des judéo-nazaréens, des juifs. Des juifs. Bref, ces textes-là, en tout cas, datent de l'époque de Mahomet, alors que ce qu'en disent les musulmans, ça date de 200 ans après. Mais quoi qu'il en soit, la démonstration de Gallès, c'est que l'islam primitif, c'était l'utilisation d'une théologie préexistante pour motiver des troupes afin de partir à la conquête du monde. Et au bout de 15 ans, ils se sont aperçus, 15 ans après la mort de Mahomet, que le Christ ne reviendrait pas, bien qu'ils aient... Donc, ils ont changé tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse maintenir la conquête sans avoir à renoncer à une conquête faite pour de mauvaises raisons. Quel écho cette thèse reçoit-elle auprès des spécialistes de l'islam ? Un écho mitigé dans la mesure où M. Gallès, il est à certains égards génial, mais il va trop loin. Il dit des choses qu'il appuie parfaitement, et puis d'autres qui sont plus discutables sur le culte de Marie ou des choses comme ça. Et dans le système universitaire, si vous dites 100 choses exactes et une inexacte, on vous considère comme non fiable. Et malheureusement, il a dit sur des points tout à fait secondaires des choses mal argumentées, alors que sur les points principaux, il était très bien argumenté. Donc ces thèses sont... on ne peut pas les éviter, parce qu'elles sont trop bien argumentées, mais elles choquent un certain nombre de gens. En tout cas, le grand public n'est pas du tout au fait de ces questions-là, parce que je ne sais même pas s'il en a fait un ouvrage d'ailleurs. Il en a fait un ouvrage qui est très difficile à lire, fait 1000 pages, voilà. 1600 références. Enfin, on peut dire qu'il n'a pas fait d'ouvrage pour le grand public. Il a publié une thèse extrêmement, extrêmement complexe sur ces questions liées aux origines de l'islam, dont on parle finalement très très peu, Jean-Jacques Walter. Donc c'est toujours intéressant de s'attaquer à l'histoire, au fondement historique, puisque le Christ des origines ne pose pas tellement de problèmes aujourd'hui aux historiens. Non, pour une autre raison, c'est que pendant très longtemps, les chrétiens ont été martyrisés, ils n'avaient pas de pouvoir politique, et donc ils n'avaient pas la possibilité de truquer les documents, l'ensemble des documents. Alors que l'islam, dès l'origine, a été un pouvoir politique, et a pu trafiquer les documents comme l'aurait fait un régime communiste. Ou n'importe quel autre régime. Quel autre régime totalitaire. Jean-Jacques Walter. Alors, on va faire le lien avec un autre aspect de votre discipline, c'est l'hypnose. Alors, parce que vous faites une distinction, vous dites l'empreinte de l'islam doit être dissociée de la pensée de l'islam. Vous recevez des musulmanes qui viennent vous voir, alors expliquez-nous pourquoi. Alors, j'ai fait un doctorat de psychopathologie à Nanterre, je suis docteur en psychopathologie, j'ai étudié dans le meilleur institut du monde, qui est l'Institut Erickson, l'hypnose. J'ai ouvert un cabinet d'hypnose parce que les mécanismes psychologiques m'intéressent. J'ai reçu un certain nombre de musulmanes qui vivent en France et qui sont dans une grande difficulté, et on s'aperçoit très vite que cette difficulté, c'est qu'elles veulent à la fois être françaises et qu'elles gardent l'empreinte de l'islam. Parce que celles que j'ai reçues n'étaient plus, enfin, les trois quarts n'étaient plus musulmanes. Un quart à peu près. Elles ne l'étaient plus dans le sens où elles n'adhéraient pas rationnellement. Elle refusait à la croyance. Elle refusait cette croyance, mais elle n'osait pas le dire à leur famille parce qu'elle serait extrêmement brutalisée. Enfin, il y a des moyens de force qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer dans les familles musulmanes. Mais bref, elles n'osaient pas le dire, mais elles ne le pensaient plus. Mais elles avaient quand même les réflexes. Il y en a une, elle m'a particulièrement frappé, celle-là, une jeune fille, elle était marocaine, celle-là. Elle est venue en France à 20 ans. Donc elle vient de vous voir parce que vous avez un blog sur le sujet. Un site internet sur le sujet. C'est comme ça qu'elles me connaissent, et elles m'amènent leurs problèmes en disant « essayez de me le résoudre ». Cette jeune fille-là, qui m'avait beaucoup frappé, elle s'est présentée à l'école, au concours d'école centrale. Elle était tétanisée de rage en m'en parlant. Elle n'a pas pu écrire ce qu'elle voulait dans ses copies, elle a écrit ce qu'elle voulait pas, comme si sa main était pilotée par une volonté plus forte que la sienne. Elle a raté le concours parce que son frère avait fait un concours moins important et qu'elle ne pouvait pas réussir mieux qu'un homme. Alors elle a réussi un concours un peu inférieur dans une centrale de province, mais elle était folle de rage. Elle avait énormément de mal à se dégager de l'empreinte musulmane, bien qu'elle vive en France et qu'elle n'avait plus de pression. Elle est en train d'y arriver. La dernière chose qui lui est arrivée, c'est qu'elle a eu le courage, et il a fallu un courage extraordinaire, de boire un verre de vin au Maroc, devant ses frères et ses sœurs, lors d'un mariage où elle avait été invitée, le mariage d'une cousine. Elle était agonie d'injures, on l'a traitée de fille perdue, d'insultes au Maroc, d'insultes à l'islam, d'insultes au monde entier, enfin bref. Alors elle a demandé pourquoi ses frères et ses sœurs pouvaient boire du vin, mais pas elle. On lui a répondu qu'une femme, c'était pas un homme, et que c'était évident. Elle a dit, mais au paradis, il y a des fleuves de vin, dans le paradis musulman, donc le vin est d'une excellence paradisiaque. On dit, oui, mais il ne saoule pas. Il dit, mais un verre ne me saoulera pas non plus. Bref, elle a failli se jeter dehors. Elle tremblait comme une feuille en me le racontant, mais elle l'a quand même fait. Celle-là, c'est une de celles qui va sortir de l'empreinte musulmane. Et pourtant, elle n'y croit pas. Et toutes celles que j'ai vues n'y croyaient pas à l'islam. Mais ils n'arrivaient pas à se dégager de cette empreinte qui les forçait à agir comme une espèce de volonté plus forte que la leur à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ça que j'ai découvert. Sur combien de patients avez-vous pu faire cette analyse ? Musulmane, vous voulez dire, une dizaine. Et chez toutes, j'ai trouvé cette empreinte massive des modes de comportement de l'islam, et notamment de l'infériorité de la femme. Cette fille qui ne peut pas réussir parce qu'elle ne peut pas réussir mieux que son frère, mais c'est typique. Alors, à quoi est-ce dû ? C'est la personne qui intériorise les codes du milieu dont elle provient et dont elle n'arrive pas à se détacher. Finalement, on est tous nés dans un moule et on en est tous les produits aussi. Ça n'est pas particulier à l'islam, c'est ce qu'on pourrait vous répondre, Jean-Jacques Walter. On pourrait dire, vous êtes aussi, vous, le produit d'une éducation, et c'est très difficile, voire impossible, de se détacher d'une éducation. Bien entendu. On peut quand même s'en détacher dans une certaine mesure, et celles qui veulent s'en détacher ont beaucoup de mal. Mais une empreinte très profonde, et dans ce cas-là, c'est sur l'infériorité de la femme. Dans l'islam, il n'y a pas seulement les femmes qui doivent avoir trois co-épouses pendant que le mari... Il y a aussi une femme qui doit être lapidée si elle a un concubin, alors que le mari peut avoir toutes les concubines qu'il veut si ce n'est pas la femme d'un autre musulman. Une musulmane a une demi-part dans l'héritage. Une musulmane a une demi-voix devant la justice. Il faut deux femmes qui disent la même chose pour valoir un homme. Mahomet, dans ses hadiths, c'est-à-dire les textes qui font autorité, disait, les femmes sont inférieures par l'intelligence, c'est pour ça qu'on leur donne une demi-voix. Il expliquait, les femmes sont nées d'une côte, c'est l'histoire d'Adam qu'il avait repris, elles sont tordues comme une côte, si vous essayez de redresser une femme, vous la cassez, alors laissez-la être tordue et jouissez-en comme d'une tordue, ce qui est quand même pas particulièrement agréable. Mmh. Il expliquait qu'il avait vu l'enfer, il était plein de femmes, mais il n'y avait pas d'hommes. Bon, il y a tout un tas d'éléments dans l'islam qui infériorisent les femmes d'une manière qu'elles intériorisent. Et quand elles l'ont intériorisé, c'est très difficile d'en sortir. Et comment s'inscrit cette empreinte ? C'est par les parents qui la transmettent, ou alors c'est une forme, si on vous suit, si on vous suit, Jean-Jacques Walter, on pense qu'il y a une forme de déterminisme, mais là, il y a quelque chose d'effrayant. Il y a une forme d'un déterminisme qui n'est pas absolu, puisque la dernière dont je vous parlais, qui avait raté centrale, elle est quand même en train d'en sortir. Et mais vous en parlez comme si elle sortait, je ne sais pas moi, d'une dépression ou d'une pathologie. Alors que c'est juste un cadre religieux ou un cadre de croyance. Enfin, c'est juste. Alors, elle n'était plus religieuse, elle n'était plus croyante. Et toutes celles que j'ai vues n'étaient ni religieuses ni croyantes. Elles en avaient les formes extérieures parce qu'elles ne voulaient pas avoir l'opposition de toute leur famille et les pressions, mais elles ne l'étaient plus. C'est quelque chose de plus profond que les idées. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le surmoi. Peut lutter contre la volonté. Ah oui. Oui. Et très efficacement, puisqu'elle a raté volontairement son examen. Parce qu'elle ne pouvait pas réussir mieux qu'un homme. Non, elle ne pouvait pas réussir mieux que son frère. Les personnes que vous avez rencontrées, vous les soignez par l'hypnose ? Alors d'abord, il faut qu'elles prennent la décision. Et ensuite, si elles prennent la décision, l'hypnose peut la rendre efficace. Quelle décision ? La décision de devenir autonome. La décision de réussir aussi bien qu'un homme ou mieux qu'un homme. Donc la décision en soi, pas de rejoindre une autre religion, la décision simplement de sortir de l'état dans lequel elle se trouve. Oui, d'abandonner l'idée qu'elles sont des inférieures ontologiques et qu'elles seront toujours inférieures et qu'elles ont moins de droits, moins de dignité. Et là, qu'est-ce que vous faites comme traitement ? Ensuite, sous hypnose, je leur fais intérioriser la décision qu'elles ont prise. Mais l'hypnose ne sert à rien si elles n'ont pas d'abord pris la décision. Et la décision, elle doit être prise consciemment. Et les trois quarts n'y arrivent pas. Sur les 10 patientes, il y en a 2 qui ont réussi. Par l'hypnose ? Non, avant l'hypnose. Avant l'hypnose. Et ensuite, l'hypnose leur permet de le mettre en acte. Donc ça vient confirmer un choix que vous faites. Ça vient vous aider à sortir d'un état. Oui, c'est un peu comme ce qui se passe avec les gens qui viennent me voir parce qu'ils fument. Ils veulent arrêter de fumer, ils essayent, ils n'ont pas la volonté, ils n'y arrivent pas. Après une hypnose, ils y arrivent. Ça change le rapport entre la volonté et les forces inconscientes. Mais il faut que la volonté soit là d'abord. Donc ça précède, ça suit la volonté. Ça suit la volonté, pas. Absolument. La volonté précède toujours. Oui. En cela, l'hypnose est respectueuse de l'autonomie du sujet. Tout à fait. Mais en quoi consiste l'hypnose ? Vous fascinez quelqu'un avec votre regard ? Non. Non. Écoutez, j'ai jamais compris comment ça marche. Je sais le faire, c'est un peu comme une voiture. Vous savez la conduire, vous savez pas forcément la construire. Bon, il suffit de parler avec une voix un peu lente, il y a quelques techniques, mais purement vocales, et 2 minutes après, la personne est en transe. En transe ? Oui. Le contact coupé avec l'extérieur, elle n'entend plus rien sur l'extérieur, elle n'entend plus que la voix de celui qui lui parle. Si on lui dit que ses mains sont légères, ben les mains se soulèvent d'elles-mêmes. Et vous lui faites faire ce que vous voulez, elle peut s'évanouir, elle peut ouvrir la fenêtre. Ah non, on lui fait faire ce qu'elle veut bien faire. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un observateur caché, qui est toujours à l'arrière-plan et qui surveille. On a fait l'expérience, si vous dites à une femme sous hypnose d'ôter ses chaussures, elle le fera. Si vous lui dites d'ôter sa jupe, elle sort d'hypnose instantanément, folle de rage, sans savoir pourquoi elle est folle de rage, mais elle est vraiment furieuse. Donc il y a toujours un blocage. Ah oui, c'est-à-dire que à l'arrière-plan, il y a toujours la personne qui surveille. Vous lui dites d'acheter un journal inhabituel, elle le fera. Vous donc ça ne viole pas la liberté. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas violer la liberté par cette technique. En tout cas, ça permet d'appréhender, c'est quand même un croisement assez inattendu, entre croyance, conditionnement par la croyance et le désir d'autonomie, ça peut être une sorte de solution, de méthode en tout cas. Ça permet de mettre en œuvre une décision si la décision est prise. Et elles ont beaucoup de mal à prendre cette décision. On n'a pas de discours à l'égard de ces femmes qui vivent dans un univers musulman et qui veulent en sortir. Il y a très peu de discours là-dessus. Alors, on a tendance à regarder l'islam de manière générale. Oui, il y a très peu de discours là-dessus. Et d'autant moins que la plupart de ces femmes, elles n'ont pas toujours conscience qu'elles sont bloquées par... C'est après une certaine discussion avec moi qu'elles se rendent compte que c'est là le problème. Et puis quand elles se rendent compte que c'est là le problème, il faut encore qu'elles prennent la décision d'en sortir. Ce qui, dans les 3/4 des cas, n'est pas le cas. Elles n'arrivent pas. C'est comme un fumeur intoxiqué, il dit « je voudrais bien arrêter, mais je peux pas ». Est-ce que ce type de consultation pourrait avoir sa légitimité dans le cadre de toutes les religions ? Les croyances. Est-ce que dans le judaïsme, le christianisme, on pourrait se dire « tiens, vous avez besoin d'être libéré de cet aspect-là, de cet aspect coercitif de la croyance à laquelle vous n'adhérez plus ?» Bon, je vous l'ai dit, je suis chrétien depuis l'âge de 28 ans par conversion. Je me suis jamais senti contraint. Parce que dire « aimer ton prochain » ou dire comme saint Augustin « diligere et quovis fac », si tu aimes tout ce que tu fais bien, ce n'est pas un blocage à la liberté, c'est une invitation à l'amour. Il n'y a pas de règles. Les règles, c'est une manière d'assister ceux qui ne savent pas comment faire. Mais elles ne sont pas fondamentales. Ce qui est fondamental, c'est l'amour du prochain, l'amour de tout le monde. C'est pas une contrainte. Mais le christianisme a pu se limiter aussi à l'observance de règles. Mais dans ce cas-là, c'est plus le christianisme. Auquel cas, on devient aussi tributaire, bien sûr, dépendant. C'est plus le christianisme. Le christianisme, c'est la liberté, la sainte liberté des enfants de Dieu. Ça n'a rien à voir avec une contrainte. Vous concevez, Jean-Jacques Walter, qu'on ne peut pas être libre dans l'islam pour vous, alors ? Mais l'islam, si je dois faire le raccourci. Oui, on ne peut pas être libre dans l'islam parce que l'islam est fait pour détruire la liberté. Vous avez l'umma, c'est-à-dire le collectif, qui s'impose à l'individu est la règle fondamentale de l'islam. Le mot islam signifie soumission. Musulman, ça veut dire personne soumise. La règle fondamentale, c'est la même que dans les systèmes socialistes d'ailleurs, obéir au gouvernement, puisqu'il n'y a pas de laïcité. Le gouvernement est à la fois, din dunya daoula, il est à la fois religieux et civil. Et donc l'obéissance à l'autorité est la règle fondamentale de l'islam et aussi des socialismes. C'est un des éléments communs avec le collectif, avec beaucoup d'autres choses. Donc là, vous avez fait le lien, la boucle, si je puis dire. Et c'est pour ça que j'avais étudié l'islam. À partir des machines totalitaires. Exactement. Que vous avez étudiées dans les années 80. Donc ça, c'est une question... Votre thèse donc, va paraître bientôt sur l'islam. Vous ne parlez pas du tout de l'aspect hypnotique ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une étude avec les moyens mathématiques de la structure du Coran. Ouais. Pour montrer qu'il y a plusieurs auteurs et qu'une partie vient de l'araméen et que ça a été fait sur 200 ans. L'aspect clinique vous concerne, vous, dans le traitement, le suivi que vous pouvez faire de certaines personnes qui viennent vous voir et qui consultent votre site internet pour cela. Exactement. Merci beaucoup Jean-Jacques Walter et à bientôt. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler à la fois des retraites et de votre étude de l'islam. Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.